بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 48 حديث. يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم أي بيوت وبيوتهم نارا قد شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي اللفظ المسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ولو أن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. وصلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومسجد الله صلى الله عليه وسلم il a dit le jour des Khandaq des tranchées, la bataille des tranchées, que Allah remplisse leur tombe ainsi que leur maison de feu. Ils nous ont distraits, c'est-à-dire nous ont empêchés de faire la salat al-wasta, c'est-à-dire la salat du asr. Wasta qui s'est traduit comme étant intermédiaire et qui veut dire également la meilleure chose qu'il soit. La meilleure échelle wasta est khiyaru. À tel point que le soleil a fini par disparaître, c'est-à-dire après son temps. Et dans une version chez Muslim, il a dit: ils nous ont empêchés, c'est-à-dire ils nous ont occupés, ils nous ont distraits, nous ont empêchés de faire salat al-wasta, ça du asr. Et en plus, après, il a rattrapé cette salat entre le maghrib et le isha. Et également, selon Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que les mouchtikins ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le asr, à tel point que le soleil s'est mis à rougir ou à jaunir. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ils nous ont distraits de la salat wasta du asr. Qu'Allah remplisse leur corps ainsi que leur tombe de feu. Et dans une version, il y a des termes similaires. En arabe, ils diffèrent, mais en français, ce sont les mêmes. Pareil. Donc, يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى أراويان علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 23. Donc, Ali, sa tarjama a été citée dans le 23e hadith. Et Abdullah ibn Mas'ud, également sa tarjama a été citée dans le 44e hadith. On l'a pris il n'y a pas longtemps. Il y a quoi le mot d'où est le hadith, le sujet du hadith? Bayan hukm qada al-salati al-fa'ita wa ma hiya salat al-wasta, qui vient pour montrer justement le jugement de la salat qui a été ratée, qu'on n'a pas pu faire en son temps. Et également pour montrer qu'est-ce que salat al-wasta, c'est laquelle, ce qu'on appelle salat al-wasta, qui est l'asr. Yaqul fil shahr al-ijmali, dans le sens global du hadith, awalan, savoir l'effet, le déroulement des faits, c'est que les ahzab, c'est-à-dire les coalisés, les groupes parmi Quraysh et autres, se sont réunis tous ensemble pour combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était le Médina. D'accord. Et du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un pacte avec les Banu Nudayr, des Juifs, des Yahouds, qui vivaient près de la Médina et qui ont rompu leur pacte avec lui. Donc ils ont trahi. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu justement que les Ahzab, les coalisés, allaient se réunir pour le combattre, il a consulté ses compagnons pour savoir comment agir. Donc de là, des versions disent que Salman et Falisi lui a exposé de faire les tranchées. Et des ulama disent que cela n'est pas authentique, que cela viendrait de Salman. Les tranchées ont bien eu lieu, mais les hadiths, qui donc Salman qui a suggéré cela au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voient que cela n'est pas authentique. Quoi qu'il en soit, les tranchées ont été faites. D'accord ? Des tranchées qui ont été faites bien profondes et bien larges, qui préservent l'entrée d'El Medina face à l'ennemi. Et lorsque justement les ennemis se sont rapprochés, qu'ils ont vu ces tranchées-là, ils ont été subjugués, ils ont été surpris, qu'ils ne connaissent pas cela. Cette façon de faire ne fait pas partie des techniques de guerre connues chez eux. Ce qui peut amener justement à pencher pour la vue que c'est Salman. Car Salman, c'était à la base, c'était un Perse, un Fals. Donc il est fort possible que cette idée provienne de lui. En tout cas, les Arabes, à l'époque, c'est une chose qui était nouvelle pour eux, de faire les tranchées. Donc de là, justement, lors de ces faits, il y a eu des confrontations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchrikoun, et c'est là justement qu'ils l'ont empêché de faire un salat du Asr. فقال فلم يصليها حتى غابت الشمس فدعا الله عليهم qui n'a pas pu faire la salat à temps que le soleil a disparu, donc il a invoqué contre eux qu'il remplisse, que Allah remplisse leur maison ainsi que leur tombe de feu du fait qu'il empêchait de faire la salat en son temps. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'ils ont empêché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat justement à son temps, à son meilleur temps qui est le début. En fait, il a tardé, mais le hadith d'Ibn Mas'ud ne précise pas qu'il l'a fait après le Maghrib. Et joindre entre les deux hadiths voudrait dire qu'en fait, le hadith d'Ibn Mas'ud ne précise pas quand est-ce qu'il a fait le Isha. Le Asr. Et le hadith de Ali lui précise qu'il a fait la salat en fait après le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha. Et d'autres ulama, ils ont dit que ça s'est passé à deux occasions différentes. Wallahu ta'ala alam. Tayyib yaqul fi fawaid al hadith. Enseignement du hadith. Ihtimam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil salat wa ta'athuruhu min fawat waqtaha. Donc si bon que l'importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait à la salat, et que cela l'affectait beaucoup de l'avoir raté. Il en était affecté à tel point qu'il a invoqué contre les mouchrikoun. Thaniyan anna al-waqt al-mukhtar lil-'asr ma qabla istifrar wa istifrar afwan istifrar ash-shams. Et que le temps, justement, le meilleur temps pour la salat du 'asr, c'est de le faire avant que le soleil ne se mette à jaunir. Thalithan fadilat salat al-'asr wa annaha hiya salat al-wusta, qui montre le mérite de la salat du 'asr. Et que c'est cela qui est appelé Al-Wusta. Rabi'an, Al-Mubadirat Bikada et Salat Al-Fa'ita, qu'il faut se hâter, dès que l'occasion se présente, de rattraper la salat qui a été manquée. Ne pas tarder. Khamisan, Jawaz Al-Dua Al-Zalim, Bimisli Zulmi, qu'il est permis d'invoquer contre celui qui était injuste pour l'injustice qu'il a commise. Sadis, An Al-Aula Lidda'i Al-Zalim, An Yubayin Sabab Al-Dua Alihi, لِتَنْتَفِ عَنْهُ تُهْمَةِ الْعَدْوَانِ الْعَدْوَانِ. Et que le meilleur pour celui qui invoque contre un injuste, qu'il précise la raison de son invocation, afin qu'il ne soit pas, مثلاً, que les gens ne le considèrent pas comme étant une personne qui fait preuve d'animosité. Ça arrive souvent des fois, quand des gens t'ont fait un mal, ou t'es arrivé une injustice, et que tu fais un dua contre une personne en particulier, et que les gens ignorent ce qui s'est passé, ils sont souvent choqués, ils disent « Pourquoi tu dis ça, Yahri ?» N'invoque pas contre lui et kaza. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc toi, au moment où tu invoques contre lui, précise, comme ça les gens ils savent. D'accord. Et le meilleur, c'est toujours d'invoquer pour que la personne soit guidée. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en guerre. En confrontation avec des mouchikouns qui veulent le tuer, qui lui faire du mal. Et qui l'ont empêché de faire une adoration qui était rendue obligatoire à la base. Donc il lui fut tout à fait légitime d'invoquer contre eux. Bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de s'associer de la guider des gens. Voilà, kaza. Et de toute façon, invoquer contre les koufars, cela est une chose qui est permise. Et Nuh, alayhi salam, l'a fait. Il l'a invoqué contre tout son peuple. Contre tout son peuple qui ont été complètement détruits. À part quelques membres de sa famille. Et quelques-uns qui ont cru avec lui. Donc, invoquer contre les koufars de façon générale, cela est tout à fait permis. Sabi'an, jawaz ta'khir salat an waqtiha iz ta'azzara. Ada'uha fi ta'azzuran ta'amman. Qu'il est permis également de retarder la salat de son temps lorsqu'il y a vraiment une excuse. Lorsqu'il n'est pas permis, il n'est pas possible seulement de pouvoir l'accomplir pour une chose qui soit valide, une chose qui soit valable, on va dire. Ça peut arriver d'être amené à ne pas pouvoir faire ça dans son temps, pour moins de raisons. Mais il faut que ces raisons-là soient valables. Si elles sont valables, la personne a l'excuser. D'accord ? Ce n'est pas comme par exemple pour le travail, non, ça c'est pas ça dont on parle. Là, le Nabi sallam, il faisait le djihad contre les ennemis, au tel point qu'il a oublié la salat. Ce n'est pas pareil. Ah, mais au moment où tu peux, c'est juste pour une chose de la dunya ou quoi, ça non, c'est pas possible. Cela, ce n'est pas possible. Ou à kaza. Non. فبإذن الله نكتفي والحمد لله رب العالمين.